comme une oreille. Une émission de musique. Une émission de musique. Une émission de musique sous licence libre. Bonjour. Bonjour. C'est comme une oreille. Émission de musique diffusée sous licence libre. En juin 2018. Et on a une thématique, comme tous les mois, et la thématique c'est la magie de la sorcellerie. Voilà. Voilà, parce qu'il pleut tout le temps et il paraît que c'est une malédiction. Ça faisait un petit moment que tu nous concoctais, des petites recettes de sorciers et sorcières. Comme ça, à naviguer aussi dans la magie, voilà. Voilà. À mixer tout ça. Et d'ailleurs, moi je recherche vraiment un remède de sorcier ou de sorcière pour soigner des dents démoniaques. Si vous en avez, je suis preneur. Voilà, et donc du coup, effectivement, moi, ça faisait un petit moment que je fouillais des trucs autour de la sorcellerie par rapport à... Parce que j'étais tombé dans les recherches que je fais régulièrement sur les musiques sous licence libre, qui sont diffusées librement, sur une chanteuse qui s'appelle Sua Ava, S-U-A-A-V-A, qui est une chanteuse parisienne, multi-instrumentiste, et je suis tombé notamment sur un morceau que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « Fille de Lilith », Lilith étant la première femme qui a été marquée du sceau du démon. Je ne sais plus exactement quelle est son histoire, mais en tout cas, ce serait la première sorcière. Et donc voilà, ce morceau qui s'appelle Fille de Lilith, c'est un morceau très récent qui est sorti sur un album qui s'appelle Veilleuse, sorti au début de l'année 2008, en janvier. On écoute ça, Fille de Lilith, oui. Par Sua Ava. Et après on aura la compagnie Kta avec la sorcière, aussi une compagnie, on pourra y revenir, mais un groupe qu'on aime beaucoup. Avec des super paroles. Et Fille de Lilith, ouais, elle est aussi très intéressante, comme tu disais, qu'on peut dédicacer à plein de gens. Et ça me fait penser entre autres à une émission de radio qui a eu à Lyon, je crois, qui s'appelle Martine Lilith et les autres. Voilà, on y va. Je connais pas l'histoire de Martine. Donc, Sua Ava, Fille de Lilith, et ensuite la compagnie Kta avec la sorcière. Une pincée d'épices dans un verre de café. Tu m'offres un élixir brûlant, noir et sucré. Et d'un sourire timide où les mots se bousculent, tu fais vaciller mon esprit funambule. La nuit tombe des nues et moi je l'accompagne. Je caresse du regard ta silhouette qui s'éloigne. La nuit tombe. La nuit tombe des nues. La nuit tombe. La nuit tombe des nues. Sereine, je t'attendrai, car ce que je désire, je n'ai qu'à l'invoquer pour le faire survenir. Cette magie qui m'habite, je la tiens de ma mère. Nous les filles de Lilith, on nous appelle sorcières. En cherchant l'antidote contre mon insomnie, les battements de mon pouls font danser les secondes. À chaque coup de tambour, les heures me répondent. Alors je jette un sort aux gardiens de la nuit, pour que leurs yeux se ferment, que Morphée s'en empare. Et j'adresse une prière au maître du hasard, pour que nos ombres s'enlacent au désert de minuit. Sereine, je t'attendrai. Le temps est avec moi, le sort en est jeté, je sais que tu viendras. tout de suite, mais à la lune croissante. Nous les filles de Lilith, on se tait. Marquer mes paupières, élixir sucré, a pris un goût amer. J'en ai même douté de mes propres pouvoirs, failli me résigner à ne pas te revoir. J'ai effacé ton nom, je ne t'attendais plus, mais avec la lune rouge, tu es réapparu. Comme annoncé par la compagnie CTA et la chanson La Sorcière, qu'on peut dédicacer à Emeline et toutes les personnes de Radio Zinzine qui avaient vu cette compagnie CTA à une des fêtes de Radio Zinzine avec le spectacle Drôle de France. Et au passage, Lilith, c'était non seulement la première sorcière, mais c'était la première femme tout court dans l'histoire de la Bible, puisque ce serait la première femme d'Adam avant Ève. On a fait une investigation. Je me sens partir. Je dépasse le seuil de la douleur. Je vais tout droit et je me vois. Mon corps est attaché à la peau. de l'amour, de l'obtenir sans même demander, sans vous soucier, sans partager. J'écarte les jambes, programmé depuis une éternité. Devoir conjugal, repos du guerrier, le possédant possède. Je suis la possédée. C'était La Sorcière de la compagnie Kta. La compagnie Kta, ils sont marseillais et c'est un groupe un peu hors norme dans le paysage musical parce qu'en fait ils font des contes, comme vous avez pu entendre, les paroles racontent vraiment une histoire et là c'est issu d'un spectacle qui s'appelle Drôle de France. C'était le spectacle qui était venu, qui avait été joué justement à la fête de Radio Zinzine il y a quelques temps. Voilà. C'est bien un des seuls groupes hors normes qu'on passe sur comme une oreille. Mais on a fait. Non, mais à part ça, c'est vrai qu'on les aime beaucoup et que voilà, il y a tout un travail fait autour de l'écriture de la chanteuse Anne Deval. Anne Deval, oui. Voilà, qui écrit vraiment sur différentes thématiques et des personnes, à la fois super engagées avec un contenu écrit qui est vraiment assez exceptionnel et après mis en musique avec ses différents musiciens. Voilà. Donc on va continuer cette thématique sous les musiques en licence libre de la magie de la sorcellerie. Voilà, avec un morceau qui s'intitule Sorcière qui pue, par un groupe qui s'appelait Dudu Gueva. C'était un groupe qui était formé entre Rennes et Paris, avec notamment un membre qui est venu il y a peu jouer à Fort Calquier au mois de mai 2018 au Soel Roto. Et donc du coup voilà, on va écouter ce petit morceau qui s'appelle Sorcière qui pue. C'est tiré d'un album qui s'appelle Retro Vulva, sorti sur Les Potagers Nature et Los MS del Oso en 2003. Et on enchaînera avec le groupe Pelf et une chanson qui s'appelle Sorcier. On continue. Et celui-là, on l'a trouvé sur Dogmazic, une superbe bible aussi des musiques sous licence libre. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur le groupe, mais en tout cas, là, ils nous font un beau morceau a cappella. Et voilà, musique trad, hein, pour les gens qui pensent tout le temps ou qui disent qu'on organise beaucoup de ou qu'on passe beaucoup de punk et de rock, il y a des musiques sous licence libre dans tous les styles et dont le trad, et on essaie d'en passer. Voilà, il y aura Pelf avec Sorcier, et maintenant c'est Dudu Guevara avec Sorcière qui pue. C'était Dudu Guevara, comme on vous l'a annoncé. On a oublié de la dédicacer à Klaus, qui adore les musiques complètement expérimentales. Et voilà, c'est pour toi, Klaus, si tu nous écoutes avec Sorcière qui pue. On continue avec Pelf. Quand le garçon s'en va tout chant, ne sait s'il reviendra. Quand le garçon s'en va tout chant, je tremble et j'ai froid. Quand le garçon s'en va tout au champ, alors que le village, quand le garçon s'en va tout au champ, alors que le village nous c'est différent. Quand le garçon s'en va tout au champ, ne sait si reviendra. Quand le garçon au champ, je tremble et j'ai froid. Depuis qu'ils nous ont vu droit, ils le montrent du doigt, ils le montrent du doigt. Moi, ils n'osent pas faire loi que j'ai des sorts, ils croient. Quand le garçon s'en va au champ, ne sait s'il reviendra. Quand le garçon s'en va au champ, je tremble et j'ai froid. Je sais qu'un jour ils m'attraperont et feront pendre des ans. Je sais qu'un jour ils le tueront, sa mandragore je cueillerai. Quand le garçon s'en va au champ, je sais s'il reviendra. Quand le garçon s'en va au champ, je tremble et j'ai froid. Il tremble, il a froid quand il va au champ. C'était Pelf avec Sorcier. Alors maintenant, on va écouter un extrait d'une pièce composée par Francesco Lettera, qui est un compositeur italien. Alors, une fois n'est pas coutume, encore une fois, décidément, cette émission-là, on a de la chanson française, on a de la musique traditionnelle, on n'a presque pas de musique violente, et donc là, c'est de la musique classique. Voilà. C'est une adaptation du conte musical très connu, Le Magicien d'Oz, qui a été porté au cinéma, au théâtre, mais qui à la base qui est pas un conte musical d'ailleurs, un conte pour enfants tout simplement, Le Magicien d'Oz. Et donc là ici c'est un extrait de la partie où Dorothy rencontre la sorcière. Ça s'appelle The Wicked Witch, la sorcière faible. Ouais, une petite pause tranquille et après on enchaînera avec une chose un peu plus rythmée. Trouvé sur Dogmazic encore une fois avec un groupe russe qui s'appelle le Sorcier Vaudou avec Korobucha. Donc Francesco Lettera, Le Magicien d'Oz, The Wicked Witch. Thank you. Alors, c'était à l'instant. Comment il s'appelle déjà? Le groupe Sorcier Vaudou avec Korobouchka. Et trouvé sur Dogmazik, on y revient après, vraiment une source de musique. Il y a beaucoup de choses autour de la sorcellerie et des sorciers. Ils ont un album répertorié, Piqué au Vif, de 2009. Voilà, et pour les gens qui m'auraient cru que c'était des Russes, avec un nom sorcier vaudou, c'est que vous ne parlez pas vraiment russe. Mais à culpa, en fait, c'est la musique traditionnelle qu'ils réinterprètent, qui est issue de Russie, dont on n'a pas le titre exact. Et ils sont en tout cas francophones, peut-être français. Voilà, c'était Sorcier Vaudou avec Korobouchka. Ça fait toujours plaisir d'écouter ce genre de musique. Là, on va aller vers un groupe italien qui s'appelle Cruel Experience, comme son nom l'indique, ils sont italiens. J'ai trouvé ça sur le net label très intéressant qui s'appelle Edison Box, qui est un net label italien aussi, qui est basé à Cuny en Italie. Et qui est spécialisé dans le punk, rock, rock garage, voilà ce genre de choses. Et donc là, Cruel Experience avec un morceau qui s'appelle Help Me Wizard, aide-moi magicien. Et puis ensuite, on écoutera Radical Satan avec l'astronomie domestique. Voilà, toujours dans cette émission comme une oreille sur les musiques. Tout ça est diffusé sous licence libre, bien sûr. Et c'est sur la magie de la sorcellerie. Et Radical Satan que tu aimes beaucoup et tu vas. J'aime beaucoup Radical Satan. Après ton investigation, tu vas nous faire le lien entre la sorcellerie et les démons. Ouais, ça va. Allez, Cruel Experience, Help Me Wizard. c'était Radical Satan. Radical Satan, un groupe franco-argentin monté autour de deux frères argentins immigrés en France au début des années 2000 et ici accompagné en quatuor du coup avec Jonathan Bourgoun, le batteur de Chocolat Billy, et Thomas Bonvalet, guitariste qui jouait avant dans Cheval de Frise et maintenant dans Los El Mar. C'est tiré d'un album sorti en 2005 sur les Potagers et Nature, sur le label Les Potagers et Nature, intitulé La Fièvre Noire. Et la chanson s'appelait L'Astronomie Domestique. Astronomie Domestique, oui. On continue et on arrive vers les dernières chansons déjà de cette playlist de la magie de la sorcellerie de Comme une oreille, avec deux groupes. Un qui s'appelle Mastaroth avec Chasse aux sorcières, trouvé sur Dogmatic. Encore une fois, une musique vraiment intéressante, expérimentale, mais en même temps très accessible, où ils vont où ils font plein de mélanges musicaux et de bruits. C'est sur leur album Giant Monster Project, rock de brutiste, mais vraiment intéressant et très accessible. Et après, on enchaînera avec un groupe qui s'appelle Antiforfora, ou qui s'appelait, un album Seiya, et la chanson Alambic, oui, parce que l'alambic est vraiment nécessaire dans nos préparations de sorciers et de sorcières. Et je t'entends rigoler, mais je reviendrai après. En tout cas, sur l'étymologie du terme, c'était vraiment une base pour les préparations. Et ce qui pouvait, voilà, les sorciers vont beaucoup plus loin que sur les préparations qu'on peut voir dans les livres, dans les films, ou ce qu'on s'en fait dans l'imaginaire, mais qu'en tout cas, l'alambic est nécessaire dans les transformations de plantes et autres élixirs. Voilà. Suivre le grimoire, c'est ça. Et ouais, et aussi le grimoire. Et Antiforfora, en tout cas, c'est un quatuor qu'on aime beaucoup, avec Thomas, Raph, Len et Gaël. Et on fait un coucou forcément de Thomas aussi, qui fait partie aussi de Comme une oreille, qui est là à la basse, au saxophone et au chant. Voilà, donc tout de suite Mastaroth avec Chasse aux sorcières, et après Antiforfora avec Alambic. I'm gonna go. Voilà, c'était Antiforfora avec la chanson Alambic, voilà, qu'on aime beaucoup, issue de leur album sorti en 2009, c'est AA. Et Jean-Baptiste faisait une remarque, si est vrai qu'on vous parle beaucoup de musique en sous licence libre ou en Creative Commons, et c'est un des rares CD où c'est marqué à l'intérieur du CD, vu que là on vous l'a passé en version disque, que c'est le Creative Commons, voilà, qu'on peut voir, qu'on a des fois sur la galette, mais très peu. Parce que, enfin, en tout cas, pour c'est tous des groupes qui ne sont pas déposés à la SACEM, pour rappel. Donc la Société des droits d'auteur qui gère les droits d'auteur de manière à un niveau monopolistique, si on peut dire comme ça, au niveau français. Et si t'es pas à la SACEM, il faut démontrer que tu as une autre licence pour pas qu'ils récupèrent. Donc normalement, mettre quelque chose de visible, que tu as une licence, comme les différentes licences qui peuvent se permettre dans le Creative Commons. Alors, par exemple, les Creative Commons, effectivement, il y en a d'autres. Il y a les licences art libre, mais les plus connues, c'est les licences Creative Commons les musiciens qui décident du coup de mettre leur musique sous ces types de licences ouvertes, licences libres, choisissent aussi les restrictions ou les ouvertures qu'ils veulent. Donc du coup, là par exemple, dans le cas d'Antiforfora, sur le CD, il y a marqué licence Creative Commons by NCSA, ça veut dire by que ils ont l'attribution, la paternité de leur œuvre, puisque ça c'est le droit d'auteur inaliénable, le droit moral. NC, c'est une licence non commerciale, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire du commerce avec ou pour la passer par exemple dans un magasin. Et SA, ça signifie qu'on peut la réinterpréter les morceaux, en refaire des nouvelles versions, des remixes, des nouvelles versions, mais par contre la condition c'est qu'il faut du coup diffuser cette musique là sous la même licence que celle d'origine. Voilà. Voilà, et puis pour rappel, il y en a qui permettent justement de la réutiliser, de la reproduire ou pas. Voilà, il y a différentes versions. Déjà rien que sur le Creative Commons, c'est ça, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle creativecommons.org pour en savoir un peu plus. Et sous licence libre, pour rappel, ne veut pas dire gratuite, parce qu'il y a des personnes qui vendent leur CD, bien sûr, au concert ou par des modes de distribution. Sur le Bandcamp, qui n'est pas une source de musique sous licence libre, qui est plus large, mais vous pouvez aussi acheter soit des chansons, soit l'album, soit en proposant un prix, soit un prix qui est défini par les auteurs. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est utilisable gratuitement. Non, mais que les groupes, par contre, choisissent d'ouvrir leur musique quand même, et ça donne aussi la possibilité, plus facilement en tout cas que pour des groupes inscrits à la SACEM, de rentrer directement en contact avec eux, parce que là, dans le cadre Antiforfora, par exemple, il y a une licence non commerciale, mais ça n'empêche pas, si on avait envie de l'utiliser de manière commerciale, de prendre contact avec eux. C'est aussi une forme d'ouverture pour pouvoir négocier un contrat. Voilà, c'est quelque chose qui reste possible. Voilà. Petit intermède avant d'arriver à notre dernier groupe de cette playlist de juin 2018 autour de la magie de la sorcellerie. Voilà. Un groupe de hip-hop, un collectif de rappeurs qui s'appelle Test Tube MCs, qui viennent de Washington DC. C'est un morceau assez ancien qui date des années 97-98, et ce morceau s'appelle Drunken Wizard, donc le magicien sous. C'est une bonne fin, ouais. On a une certaine ivresse créée après ces 12 titres de magique. Voilà, allez. A writer, a kinky lover machine, floating fist coming over the top of your back, making you relax, keeping skin smoother than $100 Estee Lauder baby cream, smoothing your skin, keep unfolding and folding and unfolding and folding. You're dragging on the ground, track so hot that it's cold in your mind. Don't rewind, forget about the rest. The so-called rebels, the fist is the basic cold, drops out the treble. Way number 41. done. When you went to bed last night, you dreamt about the Robo, a sorcerer, Coke caught in a fight. But you woke up, and now we're number one, rocking inside the party, writing rhymes on the sun. No joke, like a drink, I'm muffin up the castle's fucking folk. I'm the sword master slaying the attacker. I'm the ninth wing of Quaithos Cavern. Retreat, retreat, shed the kingdom scars, no mercy on charge. Fighting dragons like land merge going down, dragons taking clouds. Planet jump, planet crumb, classic armbands bound. I plastic, you round. My brain is sick, mobile MC's to be mech before his force the dragon. And before she was started to bang, and the MC will brain got the calculator style to make math teachers insane, deadly serious, making chemistry teachers delirious, and wondering where the hell my numbers are coming from. Killing murderous phrases out of my box of upstairs that you tried to keep hid under your bed, but my battery-powered devices left me looking inside of your head. No sequencer, no phases, running fools around in mad mazes. My style's a hard like a shell on a beetle, built on Casio keyboards, can't afford no record needles, only straight up fiction from the floating digits of the floating fist, making suckers wonder why they exist. Evil brain developing scientific sequences, coming wild, silly, illy, making no better life pretenses. My ass lived in the suburbs of Massachusetts, now I'm strictly creating evil dark ages rap hits. Close the crack of thought, or else my L's will escape. The fist breaks the bag, the fist breaks the bag. There's no more MCs on the list, let the bag. You're up from the cellar, get the snot out your eyes. You're standing at the bank, you're staring at the teller, requesting all your money and change in foreign currency. Cause when you heard the shit dropping off on the fifth, the way it was made to order, you had to break out and tell the world to simply the tape for all your cousins who live south of the border. As we bring it up to the brain calculator, sending it through the satellites to distant galaxies. Aliens from Venezuela thinking, is this the end of the world? God, it has to be. Yes, it is. We are knocking on the door, bass kicking in, blasting like a nuclear World War IV. My mom, what are we doing? Division and evil, bringing MC Mobile on a superior mission to break five beats and give thanks for all the robots we live on. Saturn, excuse me, we're all with this grammatical pattern. Lathering up in the shower, thinking all about power. First you get the money, then you get the power, then you get the women, then you get the flowers. Evil brain making bouquets for a weekend feast, funeral days, filling up notebooks with crazy sad eulogies. I be living on my feet while you be dying on your knees. C'était Comme une oreille, musique sous licence libre, la thématique sur les magies de la sorcellerie et la playlist de du mois, donc de l'émission Suava avec Fille de Lilith, Companicta avec La Sorcière, Dudu Gueva avec Sorcière qui pue, Pelf et Sorcier, Francesco Lettera avec The Wicked Witch que nous sommes en train de réécouter en fond, Sorcier Vaudou avec Korobuchka, Cruel Experience avec Help Me Wizard, Radical Satan avec L'Astronomie Domestique, Mastaroth avec Chasse aux Sorcières, et Antiforfora avec Alambic, et enfin Test Tube MC's Drunken Wizard. Voilà, émission de Comme une oreille que vous pouvez réécouter tous les premiers deuxième lundi du mois à 11h, rediffusion les dimanches qui suivent. Et sur en écoute et téléchargement sur le blog communeoreille.blogspot.org. Voilà, émission La Magie de la Sorcellerie, juin 2018. À bientôt. Sous licence libre.